Selon Yonhap News sud-coréen, les troupiers américains et l'infanterie de la marine sud-coréenne effectuent depuis le 27 juin au terrain d'entraînement de la marine sud-coréenne des exercices militaires visant la destruction des installations essentielles du Nord. Aux exercices prévus jusqu'au 14 juillet sont mobilisés les effectifs de l'infanterie de la marine américaine stationnant à Okinawa du Japon et de la troupe de réaction rapide de l'infanterie de la marine sud-coréenne, ainsi que de nombreux armements d'offensive comme canons, chars, blindés et hélicoptères de transport et d'attaque.